Dis-moi si on fait toujours les mêmes gens. Dis-moi si les hommes vont me dire manger. Si ça t'arrive, est-ce que moi j'ai courage pour dire pas la peine que nous restions ensemble. Moi j'ai rien mais c'est pitié qui m'aime au côté. Pas bon pour nous, pour personne mon ami. L'histoire d'un bon côté, je qu'aime ce bain. Dure ma planifié vivre. Aïe, un monde qui est en transition. Le pire, c'est parce que pas besoin de pointer du doigt. Les indices qui prouvent vraiment que c'est le déclin. Chez moi, ma excuse, c'est pas que me douter. Moi, pour toi, monde, que ça arrivait déjà. L'histoire d'amour protégé qu'aime ce bagage mandé. Pas guider moi dans le fin noir. We never know what to expect. Life truly is full of surprises. There's only one thing we can do. Pray that we have made the right choice. Bagon moun nan la vi, bagon moun faiblesse. Si toutefois ça t'arrive, pour mettre mwen wap la pou mwen, mwen kapab affronter des bonnes situations. Si m'konne pas prêt pou kom, si m'konne wap volé. We never know what to expect. Life truly is full of surprises. There's only one thing we can do. That we have made the right choice. We never know what to expect. Life truly is full of surprises. There's only one thing we can do. Pray that we have made the right choice. Big up and register. Tout ce qui est un comment. Pour qu'au moment opportun, utilisez un code point. Et si c'est pas le cas, papa, oui, faut espoir. Pas mettre ma position, ou faire mon abri de moi. About tomorrow.